Chapitre 3e. Qui était Jésus pour ses compatriotes? Jésus, ou plutôt Yeshé, nom très répandu en Palestine, et qui signifiait sauveur en araméen, était le fils aîné d'un charpentier de Nazareth en Galilée nommé Joseph, et de sa femme Myriam, dont on a fait Marie. Il avait 4 frères et un nombre indéterminé de sœurs. Chose surprenante, on n'est pas fixé sur la date exacte de sa naissance. On l'a bien placé beaucoup plus tard, au 25 décembre, c'est-à-dire le jour de la fête du soleil, chez les Perses, les Romains, les Arabes, etc., mais on ignore de quelle année. Cela n'aurait rien que de naturel si Jésus était un homme comme les autres, mais s'il est Dieu, né miraculeusement d'une vierge, on conviendra qu'il est bien étrange que sa mère n'ait pas pris soin de noter et de répandre une date si glorieuse pour elle. 2 évangiles sur 4, selon saint Matthieu et Luc, s'occupe de sa naissance, mais nous allons voir qu'ils ne s'entendent point entre eux. Il lui donne une généalogie dans le but de le faire descendre de David, parce que les prophéties disaient que le Messie devait être de la race de roi. Mais ces généalogies sont celles de Joseph qui, selon l'Église, n'était que le père putatif de Jésus, et ce qui est plus grave, elles se contredisent. Matthieu raconte que Marie ayant épousé Joseph, il se trouva qu'elle était grosse, ayant conçu dans son sein par l'opération du Saint-Esprit. Joseph voulait la renvoyer, mais un ange lui apparut, lui révéla le mystère de l'incarnation et ajouta qu'elle enfanterait un fils qui s'appellerait Jésus. Luc, non moins inspiré que son compère Matthieu, narre l'affaire différemment. C'est à Marie qu'apparaît l'ange Gabriel. Il lui annonce qu'il concevra et enfantera un fils, que Dieu lui donnera le trône de David et qu'il régnera éternellement sur la maison de Jacob, promesse qui ne s'est pas réalisée. Pourquoi ces deux évangélistes font-ils naître Jésus d'une vierge? Par la préoccupation constante des évangélistes, ou mieux, de ceux qui ont falsifié le récit, d'appliquer à Jésus de prétendues prophéties qui n'ont pas rapport à lui. Exemple. Matthieu écrit, grand 1, 22-23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Une vierge concevra et elle enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. » Il n'y a qu'un inconvénient, c'est que cette soi-disant prophétie d'Isaïe ou Ésaïe ne se rapporte aucunement au Messie attendu par les Juifs. Elle a trait à la crise que traversait le peuple israélite au temps du prophète, comme on le verrait, si le rédacteur de l'Évangile ne s'était gardé de reproduire le verset suivant. « Je me suis approché de la prophétesse, sa jeune femme, elle conçut et enfanta un fils. » Donc, la naissance de l'enfant avait eu lieu et il était né d'une jeune femme, non d'une vierge. Effectivement, Alma signifie en hébreu une femme jeune. Si Ésaïe avait voulu exprimer le mot vierge, il aurait écrit Batoula. Or, le prophète écrivait trop purement l'hébreu pour mettre un mot à la place d'un autre. D'ailleurs, ce n'est qu'au IVe siècle que l'Église a imaginé le dogme de la virginité de Marie. Il est en contradiction avec le reste des évangiles où Jésus ne parle jamais de la virginité de sa mère. Nombre de passages des livres, soi-disant inspirés, sont en contradiction avec cette prétention. Ainsi Luc, grand 2, 7, dit de Marie, « Elle enfanta son fils premier-né. » Donc, elle en eut d'autres. Matthieu, grand 1, 25, parlant des rapports des époux, dit, « Il, Joseph, ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Par conséquent, il la connut après. » D'autre part, Marc et Matthieu font ainsi parler les gens de Nazareth à propos de Jésus. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères ne se nomment-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs n'en sont-elles pas toutes parmi nous? On a prétendu qu'il s'agissait de cousins germains, que Marie avait une sœur, ou que Joseph avait des enfants d'un premier mariage. Mais ces arguties tombent devant plusieurs passages très clairs des évangiles, et d'ailleurs, dans la première hypothèse, que devient le dogme de l'Immaculée Conception? Dans le second, que devient la virginité de Joseph, symbolisée par le lys que l'Église lui passe dans la main?